Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse « Voyage au centre du cerveau », une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a nos pensées, de quoi elles sont faites et les circuits mystérieux qui les produisent. Mais aussi, le rêve de savoir si notre personnalité se cache au fond de nos boîtes crâniennes. Et puis cette aspiration à se contrôler totalement, soit, voir les autres, par la volonté ou l'hypnose. Il y a aussi les recherches accumulées par les chirurgiens, les médecins et les neurologues qui dissèquent, tranchent, stimulent ou scrutent. Et enfin, tous ces scénarios cauchemardesques ou merveilleux qui nous plongent dans une réalité proche de la science-fiction où les robots sont intelligents, autonomes et ont peut-être même une âme. Alors pour commencer, les personnages. Un psychologue qui enseigne l'hypnose, des neurologues penchés sur des cervelles, des médecins qui cherchent d'autres moyens et des patients qui ne peuvent pas s'empêcher de tout vérifier 100 fois. Ensuite, le décor. Des chaises installées en cercle, des fauteuils où l'on doit faire confiance, des appartements qui sont le lieu de rituels dont parfois on a honte, le dedans qui rassure, le dehors qui fait peur, et des yeux et une voix qui vous emportent loin. Aujourd'hui, 3e épisode, le téléphone sonne. Là, il y a personne. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a un patient. Vous gardez, parce que ça va... D'accord. Allez à l'hôpital. Je pense que ce sera mieux pour vous de toute façon dans un premier temps. Voyez un petit peu ce qu'ils vous disent. Et si vraiment, finalement, vous pouvez venir, vous nous rappelez et on essaiera de trouver quelque chose assez rapidement. On fera du mieux que l'on peut. D'accord. Non, justement, c'est pour ça. Mais je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Bonjour madame. Mais que veut dire au juste être conscient? En ce moment même, je suis dans une salle d'attente. J'entends la musique qui flotte et m'enveloppe. Une personne assise non loin de moi me stresse un peu. Je n'ai pas soif, j'ai un peu faim. Je pense à mon rendez-vous. J'ai encore un peu mal à l'orteil droit, le petit, qui s'est cogné contre un pied de table la semaine dernière. Je suis amoureuse et ça me rend le monde plus léger. J'ai conscience de tout ça, là, maintenant, à la même seconde. Tous ces états superposés constituent ce que je pourrais appeler ma conscience à cet instant-là. Pourtant, ces sensations si riches ne constituent qu'un fil très ténu à la surface de mon activité cérébrale à ce moment précis. La majorité de ce que fait mon cerveau est totalement inconsciente, hors de mon contrôle. Ce que moi et beaucoup de mes collègues appelons être conscient, c'est la capacité à se rapporter subjectivement, c'est-à-dire à la première personne, une perception, par exemple, dans le domaine de la perception. Par exemple, là, nous discutons, je vous vois. Le fait non seulement que mes rétines soient frappées par votre image, mais que je sois capable, une fois que mon cerveau traite ces informations, de subjectivement me faire cette réflexion, je suis en train de vous voir, eh bien, je vais pouvoir labelliser cette perception visuelle de consciente. Alors, ça peut paraître un peu compliqué pour rien, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que c'est pas toujours comme ça que ça marche? Eh bien, la réponse est non. C'est-à-dire que parfois, vos rétines vont être frappées par une information visuelle, votre cerveau va pouvoir traiter cette information, mais vous, subjectivement, vous ne serez pas capable de vous rapporter à avoir vu cette information. Donc on peut comparer des situations perceptives conscientes, au sens où on se rapporte le fruit de la perception, et des situations dans lesquelles parfois on présente exactement le même stimulus, la même information visuelle ou auditive, mais dans laquelle le sujet n'est pas capable de se rapporter subjectivement ce qui se passe. Et mardi matin, vous pouvez pas? Je vais essayer de regarder si j'ai peut-être quelque chose. Le mardi matin, c'est à 11h. Il faut compter 1h30. D'accord. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Je vais vous rajouter sur le mardi après-midi dans ces cas-là. Alors, Hop, bah, y a pas de souci. Hop, c'est la dernière place. Elle était pour vous. Il y a plusieurs états de conscience. Les états de conscience les plus classiques, c'est celui de, disons, la veille consciente, comme l'état dans lequel nous sommes supposément tous, là, maintenant. Il y a, durant le sommeil, vous savez, une période qu'on appelle le sommeil paradoxal, une période dans laquelle il y a, en fait, la plupart des activités oniriques surviennent dans cette période-là. C'est une période aussi où nous sommes conscients, dans le sens où nous nous rapportons la preuve, nous racontons des rêves ensuite, nous vivons des expériences en première personne. Je suis en train de courir, je vois, je fréquente quelqu'un, je rencontre, je discute. Donc, nous vivons des choses à la première personne. Donc, ça obéit à notre définition très claire de rapportabilité mentale. Simplement, évidemment, il y a des choses très particulières qui se passent pendant le sommeil paradoxal par comparaison avec la veille consciente. Notamment, votre sens critique n'est pas le même. Vous êtes capable de prendre pour argent comptant quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, surprendrait votre système de sens critique. Par exemple, si pendant que je discute avec vous, vous changez d'identité, où vous êtes une femme et vous devenez un homme, eh bien, ça ne va pas tellement me surprendre pendant un sommeil. En fait, si on a des narrations de rêve, quand vous êtes en train de rêver, les changements d'identité, les changements de lieu, c'est très fréquent et ça ne nous surprend pas. C'est très rare qu'on trouve ça totalement énigmatique ou surprenant ou incrédible. Incrédible, c'est peut-être le meilleur terme. Par contre, si là, pendant qu'on discute, le lieu changeait ou vous changez d'identité, évidemment, ça éveillerait mon attention et je me dirais quelque chose qui ne va pas. Il y a une astuce, il y a un piège, il y a autre chose. Donc voilà, donc... La veille consciente, c'est une chose. Le sommeil paradoxal, c'est un autre état de conscience. L'hypnose, c'est un autre état de conscience. Et puis, évidemment, il y a les états de conscience qui sont modifiés par l'utilisation, par exemple, de drogues. Ou bien, il y a évidemment le champ de la pathologie neurologique ou psychiatrique où on peut trouver des situations très particulières dans lesquelles les contenus de la conscience vont être modifiés. Dans la négligence, dans certains délires, dans certaines représentations mentales inadaptées, dans tout ce qu'on appelle les paramnésies réduplicatives, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important dans cet univers très très vaste de disposer d'un vocabulaire limité mais précis pour savoir de quoi on parle. Je viens d'installer, téléphone portable éteint, qui ne sonne pas, qui ne vibre pas. On soit tout à fait tranquille. Posez tout ce qui vous gêne, vous laissez votre corps se caler, s'installer confortablement. Rien à faire, rien à vouloir, juste laisser faire et laisser venir des sensations simples et sincères, à commencer par autoriser vos muscles à se relâcher. Et puis ils vont bien sûr pas se relâcher immédiatement, ça va se faire au fil de l'eau, tranquillement. Yahoo, voilà, c'est bon. Et donc comme ça, vous pouvez laisser vos paupières se fermer pour vous concentrer sur vous-même. Non, mais c'est les mots. Non, les mots. Pour être attentif à des éléments corporels. Parce que c'est la seule chose que je n'avais pas compris dans l'article, c'est dans le communiqué INSERM, c'est que je pensais que les mots étaient lus. Non, ils sont affichés. Non, ils sont affichés à l'écran. Et c'est pour ça que je me suis dit, non. Par contre, on a fait une manip auditive, mais ce n'est pas la même. C'est... Ah, d'accord. Mais c'est... Qui figure dans le même communiqué Qui figure, je vais vous dire, oui, je pense à la fin, quand on dit que pour les patients non communicants, on avait fait un premier résultat, mais qui nous avait un peu... Voilà, par exemple. C'est-à-dire, comment ça apparaît aux gens? Ils ont les 5 mots ou 3 mots? Donc, chaque essai, il y a 3 mots, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple... Attendez, on va essayer d'en prendre un qui soit bien. Par exemple, je vais vous... Voilà. Le mot « grue », c'était le mot polysémique, d'accord. Soit les sujets avaient la séquence qui était la suivante. Tracteur, grue, chantier. Avec l'idée qu'ici, le mot « grue », qui est précédé de tracteur, va être compris dans sa dimension, évidemment, mécanique de l'objet, la grue, une grue. Et puis, vous pouvez avoir la paire suivante. Oiseau, grue, héron. Et donc là, évidemment, vous activez la dimension sémantique, l'interprétation, la signification du mot « grue » polysémique sous l'angle de l'oiseau, une grue. Et donc ensuite, on pouvait du coup croiser, voir ce qui se passe. Si je vous dis « tracteur, grue, héron », est-ce que le mot « grue » polysémique, qui a été contextualisé par tracteur, est encore capable d'amorcer le mot « héron » ? Et en fait, ce que nous avons montré, c'est que ce n'est pas le cas. Le mot « grue », pour prendre l'exemple, il va être toujours interprété par le contexte conscient qui a été défini précédemment. Et c'est vrai aussi bien lorsque vous voyez le mot « grue » consciemment que quand il est subliminal. C'est ça le grand résultat de ce qu'on a pu confirmer par des enregistrements de potentiel évoqué. Donc on enregistre l'activité avec un casque d'électrode posé sur la tête du sujet et on voit la dynamique, les cartes d'activation cérébrale pendant ce traitement inconscient. Et donc ce traitement inconscient, il est vraiment sous l'influence du contexte conscient. C'est ça ce qu'on veut dire par là. Alors ensuite, pour arriver à tester ça, on compare avec les logatomes. On va comparer votre temps de réponse et vos potentiels évoqués avec la situation dans laquelle le dernier mot n'est pas un vrai mot. Puisque vous, ce que votre boulot, c'est de dire, est-ce que le mot, par exemple, ici, ce que je vous donnais comme exemple, le mot chantier, est-ce que c'est un vrai mot ou c'est pas un vrai mot? Donc je suis obligé de vous stimuler aussi avec des essais dans lesquels le dernier mot, ce qu'on appelle le dernier stimulus, le stimulus cible, est parfois autre chose qu'un mot. Et c'est là qu'on a ces logatomes qu'on a construits avec... voilà, je vais les ouvrir avec Benjamin Robot. Voilà, alors par exemple, c'est ça, vous voyez, Agdic, Assor, Asserpi, Asipo, Apacle, Apose, Avin, Bac, Bax, Druave, Octet, Sprorn, Spulbe, Pambe, Parson, Flouche, Patonne, et voilà, et voilà, et voilà. Vous êtes bien amusé à les inventer, je pense. Ah oui, mais parce que là, ça a l'air un peu léger. Mais en fait, ces mots, ils sont contraints par plein de règles. C'est pour ça qu'on n'est pas loin de l'oulipo, comme je disais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Notamment la fréquence des phonèmes, le nombre de lettres, le nombre de syllabes, la structure de la morphologie de ces mots, pour que ça ressemble vraiment à des vrais mots. Ça pourrait être une gétine, on pourrait imaginer que ce soit un mot, une graine, un dougilet, voilà, un lémi, etc. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Justement, Lionel Nakache, ce qui m'a fait penser à l'hypnose, c'est votre utilisation des non-mots. C'est-à-dire que vous allez utiliser justement des vocables qui ne représentent pas quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans l'esprit rationnel. Oui. Et d'un coup, il y a un décrochage de la logique qui, du coup, ressemble beaucoup aux techniques des mentalistes qui vont essayer de perturber une sorte de vision linéaire, logique du rapport au monde. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, chez nous, c'est beaucoup plus, limité l'usage de ces non-mots. Alors, la liste des non-mots, là, ce qu'on appelle ces logatomes, c'est une liste un peu, là aussi, oulipienne, quoi. C'est assez amusant de les lire. Mais pourquoi est-ce qu'on les utilise? Nous, c'est pas du tout dans des fins de désorienter le sujet. C'est que, à nouveau, vous savez, souvent en science, ce que vous cherchez à faire, vous cherchez ce qu'on appelle un contraste minimal. Chez nous, l'utilisation des logatomes, ce n'est pas pour perdre le sujet dans l'irrationalité, c'est tout simplement de viser ce contraste minimal de psycholinguistique. Bonjour. Je te laisse casser le matériel chez toi. Bonjour, Benayem. La patiente arrive à 14h. D'accord. Elle est nouvelle. Elle dure combien de temps la séance en général? Disons en général, c'est facilement 3/4 d'heure. Il y a une petite partie, qui, pourquoi, que venez-vous, qu'avez-vous, cette machin. Voilà, on fait le tour, et puis ça enchaîne sur alors installez-vous, etc. Après, dans cette deuxième partie, ça dure bien une demi-heure, ça dépend des patients, s'il va vite, pas vite. Et on ne sait pas à quel moment il va se passer quelque chose. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a une phase où on discute, donc ça fait dialogue, ça va, ça intégrit. Puis il y a une phase où il y a un peu que moi qui cause, parce qu'elle est en train de faire l'expérience. Donc on ne peut pas vraiment hypnotiser quelqu'un contre son gré ou en rusant un petit peu? Il y a beaucoup de techniques d'hypnose, des techniques directes, indirectes, des liens, des doubles liens, des paradoxes, il y a beaucoup de techniques. Mais qu'on n'utilise que chez des personnes qui ont sincèrement envie d'aller mieux. On fait pas de forçage, non, ce serait pas respectueux. Pour nous, l'objectif, c'est que la personne trouve sa liberté, pas qu'on lui impose quelque chose. Est-ce que, par exemple, vous pouvez juste nous décrire une de ces techniques, là, par exemple, celle du paradoxe, elle me semble assez intéressante. Il y a plusieurs techniques. Par exemple, il y a des techniques qui sont des faux choix. Par exemple, mais on l'est bien connu, c'est la maman qui dit à son enfant... Tu veux dormir maintenant ou après l'histoire? En voyant ça, on voit que de toute façon, l'enfant va être obligé d'aller dormir. Donc, il va dire évidemment après l'histoire. Ou alors maintenant ou après le verre d'eau. Donc, c'est un faux choix, il va de toute façon aller dormir. Il y a une technique paradoxale où on dit au patient non pas vous changez, mais l'inverse, c'est-à-dire installez-vous davantage dans le problème. Elle veut dire, mais non, j'ai envie d'aller mieux. Non, installez-vous dans le problème. comme il va ressentir la souffrance davantage, la douleur, le tabac, alors il va dire « Oh là, mais c'est insupportable !» Ça voudrait dire que tant que la personne fuit la réalité, on ne peut pas le guérir. Mais quand elle s'y plonge de manière paradoxale, alors là, la guérison peut venir comme un réflexe où la personne s'extirpe de la souffrance. Bon, c'est bon, on attend notre patient. Ah, peut-être elle est là, je ne sais pas. Je vais voir un peu... Alors, en général, la séance se passe comme ça. Le patient est là, assis, et vous, bah, où vous voulez. Je regarde si c'est bien fermé ici. Comme ça, on n'est pas bien. La science en marche. Aujourd'hui, l'hypnose entre la crédulité et la négation. François Le Lyonnais. Après avoir connu une période de défaveur, l'hypnose et la suggestion connaissent un regain marqué en France et plus encore à l'étranger. Songeons que du temps de Charcot, on suggérait à des femmes hypnotisées de commettre un crime. On leur mettait entre les mains un coupe-papier, elles frappaient. Et un élève de Gilbert Ballet avait vu refaire l'expérience. Mais malheureusement, lorsqu'on remplaçait le coupe-papier par un couteau, elles ne frappaient pas. Mais voilà. Nous sommes arrivés au point heureusement de penser que les magistrats ne savent pas ce que c'est que l'hypnose, ne veulent pas le savoir, qu'ils ont bien raison d'agir ainsi. Quant aux avocats et aux jurys, ils sont libres de faire et de dire ce qu'ils veulent. Bien sûr. Fin du 18e, début du 19e siècle, des personnes commencent à dire qu'ils ont été en état d'hypnose et qu'ils ont commis des larcins en état d'hypnose, pas seulement des larcins, mais également des meurtres. Et donc du coup, il s'agissait en fait de vérifier si, effectivement, il était possible de créer un comportement chez quelqu'un qu'il ne souhaitait pas, et en particulier un comportement de meurtre. Et donc du coup, un médecin qui s'appelait Liégeois commence à réaliser un certain nombre d'études durant lesquelles il fait intervenir des personnes et puis il leur fait croire qu'il leur donne une fiole d'arsenic à verser dans le verre, et puis de convoquer le frère, la sœur, et de tendre le verre, sous-entendu qu'ils seraient en capacité de pouvoir tuer leur frère ou leur sœur avec de l'arsenic. Évidemment que la bouteille ne contenait pas du tout d'arsenic, mais simplement une poudre qui était neutre, et l'expérience en fait était réalisée soit en présence d'une équipe médicale, soit en présence d'un commissaire de police. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'il y a ces personnes, ces témoins qui sont présentes, qui sont des témoins quand même qui ne sont pas anodines, en fait, les gens en état d'hypnose, très suggestifs, sont en capacité de pouvoir effectivement tendre un verre dont il a été dit que c'était de l'arsenic à l'intérieur. Si par contre vous enlevez la dimension théâtrale, c'est-à-dire vous êtes juste dans une relation intime et puis vous installez un moment dans lequel vous dites voilà, j'aimerais qu'un tel meure et donc du coup je te donne ça et puis empoisonne la personne, à ce moment-là ça ne se passe plus, le comportement n'est plus présent. Et donc ça a commencé effectivement à d'une part mettre en place les bases de la suggestion et de ce qu'on appelle les effets de cadre, c'est-à-dire de se dire en fait, la suggestion est aussi portée par l'environnement dans lequel le phénomène se trouve. Et on est d'autant plus capable de comportements qui paraissent extraordinaires, voire d'aller dans un domaine dans lequel on n'irait pas du tout, comme le fait de commettre un meurtre, uniquement s'il y a une mise en scène de soi-même, parce que l'environnement nous autorise à ça. On suppose qu'effectivement, quelque chose fait que l'on n'est pas réellement en train de tuer son frère ou sa sœur. Non, il ne faudrait pas que nous oublions une forme pseudo-scientifique, certes, puisque vous voulez le mot, mais qui s'apparente tantôt au charlatanisme commercial directement digne de ce nom, et tantôt à une forme qui peut-être est plus plaisante et qui peut être utile. J'ai nommé l'hypnotisme de music hall. Pour nous, praticiens de l'hypnose, lorsque l'on reçoit un patient dans un cabinet, qu'est-ce que dit notre environnement au patient? Qu'est-ce qui, dans notre cabinet, les murs blancs, pas les murs blancs, la présence d'un paquet de mouchoirs sur la table ou pas, qu'est-ce qui déjà va influencer le comportement de celui que l'on reçoit? On voit que la suggestion n'est pas simplement le fait de l'hypnotiseur. La suggestion, c'est un effet de cadre. C'est quelque chose qui est porté par un environnement. Lorsque un patient vient nous voir avec pour prétexte l'utilisation de l'hypnose. Alors là, on vient justement d'évoquer les deux écueils d'Antoine Bioy, qui donnent peut-être une image un peu trouble à l'hypnose, c'est-à-dire d'une part les gens qui ont peur de perdre le contrôle et de faire des choses qu'ils ne feraient pas à l'état de veille, d'autre part tout le côté un peu showbiz où on montre des gens sur scène pour en rire et du coup ça perd son caractère de sérieux. Mais aujourd'hui, l'hypnose est pratiquée en France, dans des hôpitaux, dans des pratiques médicales, à des fins thérapeutiques. Et depuis quand, vraiment, ça s'est répandu et c'est devenu quand même, de manière admise, un outil thérapeutique ? L'hypnose, effectivement, a accompagné, on va dire, l'histoire de la médecine depuis fin du XVIIIe siècle, avec des moments d'inclusion, des moments d'exclusion. Il y a vraiment eu un tournant qui était très récent, qui est le début des années 90-93, des publications scientifiques en 95 et 97, en imagerie cérébrale, et pour lesquelles, jusque dans les années 90, on disait l'hypnose, j'y crois pas. Et puis, des auteurs comme Pierre Rainville, qui est professeur de psychologie à Montréal, Marie-Elisabeth Fémonville, qui est sur Liège, qui est anesthésiste et également maintenant professeur d'université, ont montré en fait qu'il existait un état hypnotique qui n'était pas l'état de veille, qui n'était pas l'état de sommeil, qui n'était pas les distractions, qui était autre chose. Et donc à partir du moment où on avait des clichés qui montraient que vous aviez un état tout à fait spécifique qui caractérisait le processus hypnotique, la question ne pouvait plus être est-ce que l'hypnose existe ou n'existe pas. La question était devenue à quoi peut me servir l'hypnose dans ma pratique. Les bases scientifiques de l'hypnose ont été confortées avec l'imagerie cérébrale. Il y avait des éléments, notamment d'efficacité, qui existaient auparavant, mais c'est vrai que l'imagerie a montré que l'état hypnotique existait, donc à partir du moment où l'état hypnotique existait, c'était compliqué de dénier un phénomène. Donc c'est vrai que la scientificité de l'hypnose est une longue histoire, mais il y a vraiment eu ce tournant dans les années 90. Ressentez la globalité de votre démarche. Permettre l'unicité. Quitter la duplicité. Je me disais, est-ce que vraiment ça va marcher ? Dans quel état je vais être ? Est-ce que moi je vais devoir parler pendant la séance ? On se pose tellement de questions que c'est super difficile. Et au final, des fois, autant ça a pu... je me suis sentie détendue, mais bon, sans plus. Autant des fois, oui, ça a eu un effet réel et assez impressionnant. Vous aviez des choses à guérir ou des pathologies, des choses qui vous gênaient ? Ouais. Plus notamment par rapport au stress. Par exemple, là où ça a vraiment fonctionné, c'était en janvier, lors des attentats. Je suis très, très sensible à ce genre de choses et je me sentais vraiment... pas bien du tout, et j'ai fait une séance justement avec Madame Chamy, et dès le lendemain j'ai eu un recul nécessaire et j'ai eu une boule qui est sortie. Vraiment, c'était impressionnant. Et depuis, d'ailleurs, en une séance, depuis, je prends énormément de recul et j'arrive à gérer ce genre de choses. Les phobies se règlent très bien et relativement rapidement pour la plupart des gens. Donc, y en a qui, 3 jours après, par exemple, viennent pour une phobie de l'avion. 3 jours après, ils doivent prendre l'avion. Ils nous rappellent une semaine après en disant plus aucune angoisse. Il y en a qui sont très bien, qui sont refermés parce que ils sont encore dans la séance. Et il y en a qui rigolent, qui font que rire. Et oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et justement, il n'y a pas un peu cette petite peur d'être manipulé quand même à son insu, d'avoir quelqu'un qui prend le pouvoir et ensuite il vous dit vous oubliez tout. Donc il y a quand même une petite, oui. Une petite appréhension, j'imagine. Ah oui, il y a beaucoup de patients au téléphone qui nous disent mais je vais être manipulé, comment ça va se passer, je vais devoir faire le chien. Non, il n'y a pas de la manipulation, c'est un état entre la veille et le sommeil. Oui, on joue sur l'inconscient, mais la volonté de la personne est encore là. La personne peut tout à fait arrêter la séance à tout moment de la séance. S'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, ou qu'elle ne se sent pas bien, ou qu'elle d'un seul coup elle a soif, ou quoi que ce soit, pas de souci, elle peut arrêter la séance. La page scientifique. Je crois qu'il faut faire remonter l'hypnose au baquet de Mesmer. Mesmer, personnalité extraordinaire. Autrichien du XVIIIe siècle, dont la vie errante a été décrite très attentivement et qui est extrêmement attachant. C'est lui qui pour la première fois est opposé au magnétisme minéral, le magnétisme animal, et c'est lui qui a voulu guérir par ce magnétisme animal les gens de la cour ou les bons bourgeois de Paris du temps qui venaient se confier à lui. Il était protégé d'ailleurs par un régent de la faculté de médecine, Delon, et ce n'est que secondairement que la faculté de médecine a été amenée à le critiquer. Lorsqu'il oui. avait créé son baquet, dont vous vous souvenez, et lorsqu'il venait visiter ses patients vêtus d'une robe de soie lilas. Jean-Marc Benayem, est-ce qu'il n'y a pas tout de même des personnes qui ont entendu parler quand même de cette réputation un peu sulfureuse de l'hypnose, et est-ce qu'il n'y a pas tout de même des résistances? Les résistances qu'il peut y avoir au niveau de l'hypnose sont assez vite levées, parce que c'est un contexte complètement différent. Au music hall, le patient, il est, enfin le sujet plutôt, est utilisé, parfois ridiculisé. Mais c'est normal, c'est le contexte, il faut rire, faire rire la foule, il faut amuser, il faut montrer comment on est influençable. Dans le contexte du soin, c'est tout différent. Les personnes, parfois, ont un peu d'appréhension en disant « qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous allez rentrer dans mon cerveau ?» Et puis, très vite, ils s'aperçoivent que non, on les accompagne pour aller mieux. Au music hall, on utilise le patient et c'est pas très bienveillant puisqu'on attend que le public se distraise. Alors que dans le soin, on est plutôt avec le patient et on cherche pas le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est le patient qui l'a pour aller mieux. Donc c'est tout différent. Alors, laissez bien le corps se fondre un peu dans le fauteuil. Même laissez-le se fondre dans la pièce. Vous voyez, puisque c'est tout qui se mélange. Les bruits de la rue, les bruits de la ville. La lumière. Voilà, un peu vide. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de retenir, pas besoin de comprendre, ça nous dépasse. Pour certaines pathologies, comme les troubles obsessionnels compulsifs ou certaines phobies, est-ce que vous pouvez vraiment modifier la personne en une seule séance ? Alors, pour les phobies, l'objectif thérapeutique, c'est que le patient qui a peur des guêpes, qui a peur des pigeons, qui a peur du téléphérique, puisse aller mieux rapidement. Donc, on fait des exercices, et c'est vrai que ça peut être tout à fait radical, instantané. On a comme ça un bon nombre de patients qui sont guéris sur le champ. Ce qui est toujours un peu un étonnement, puisqu'on dit, mais ça fait quand même 10 ans que je traîne ça, donc... Mais... Si on n'est pas dans la compétition, si le patient n'est pas mieux, on refait une séance. Si le patient n'est pas mieux, c'est qu'on n'a pas mis le doigt là où ça se déclenche, là où le changement se déclenche. Et donc, on refait une séance jusqu'à trouver le point où ça bascule, où la personne peut changer radicalement. Mais parce qu'elle attend ça, bien sûr, elle attend d'être vraiment... C'est où on est en dehors ou on est en dedans. C'est-à-dire où on est en dehors et tout me fait peur... Les autres, les animaux, oui, je suis en dehors, je me méfie de tout. Où on participe, on entre à l'intérieur du monde, en quelque sorte, et les éléments comme j'y participe sont comme moi, c'est-à-dire ça vit et ça s'adapte. Qu'est-ce que vous appelez exactement ce point où ça bascule ? Le point où ça bascule, c'est le point où la personne est en dehors. C'est-à-dire, elle se méfie de tout ce qui lui est étranger. Elle veut maîtriser tout. Le point où ça bascule, c'est le point où elle accepte de ne pas maîtriser. Et elle dit, ah, peut-être que les pigeons s'intéressent pas à moi, me disait une patiente qui avait la phobie des pigeons. Bah oui, parce qu'elle était centrée dessus. Peut-être que je me regarde trop. Peut-être que voulez-vous devenir un élément du télésiège Ah oui, d'accord. Voulez-vous devenir ce carton que l'on monte dans le télésiège? Ah oui, d'accord. Et dès que la personne se met dans la situation de ne plus penser, de faire partie d'eux, la peur tombe. Donc on a mis le doigt sur l'élément qui a provoqué le changement. Jean-Marc Benayem, est-ce que vous avez le souvenir justement de certains patients qui ont eu des changements qui vous ont marqué? C'est toujours spectaculaire. Là aussi, on pourrait se rapprocher du music-hall, parce que c'est spectaculaire, sauf que, évidemment, on manipule pas. Au music-hall, c'est de la manipulation, alors que dans l'hypnose, c'est l'inverse, on redonne au patient une liberté qu'il avait perdue. Par exemple, quelqu'un, un monsieur avait très peur du télésiège, et vous ne pouvez plus aller à la montagne, et je lui ai demandé d'être un carton qui monte ravitailler le restaurant d'altitude. Et il m'a dit, ça y est, je suis le carton, ça y est, je monte, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'émotion. Il devenait un objet. En étant un objet, la peur a disparu et il se laissait faire, alors qu'avant, il voulait contrôler. Une autre dame qui avait peur des pigeons dit, peut-être que je deviendrai transparente. Alors je lui dis, allez-y, rendez-vous transparente. Elle dit, effectivement, il ne s'intéresse pas à moi. En ayant cette position-là de devenir transparente, elle a vu et s'est aperçue que ce n'était pas dirigé vers elle, que ça ne l'intéressait pas. Elle perdait de l'importance, en quelque sorte, et sa peur est tombée parce qu'elle a changé la configuration. Donc pour guérir d'une phobie, il faut trouver une situation qui nous permette d'être, de faire partie d'eux sans pensée et sans émotion. Et on y participe et la peur s'en va. Et après la séance, la personne, tout de même, enfin, cesse d'être un carton, j'imagine. Elle redevient elle-même et elle n'a plus cette phobie tout de même. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, la phobie a guéri. Et c'est une position tellement confortable. En fait, on a repris sa place. La personne s'était éloignée d'elle-même. Elle s'était éloignée de l'adaptation. Une fois qu'elle a trouvé l'adaptation, c'est tellement confortable, c'est un tel soulagement qu'elle y reste. Quand on voit un cendrier plein sur une table, on y voit des filtres, des mégots, des cendres, la mauvaise odeur, la saleté. Collant noir. Mais l'essentiel de cette cigarette a disparu et est venu s'écraser, se déposer dans un autre cendrier. Votre corps, les polluants, la nicotine qui ont disparu du corps de la cigarette sont venus spolier votre corps. Alors vous pouvez ressentir cet encombrement, cette pollution, ce mauvais goût, cette mauvaise odeur de cendrier, ce dégoût. Ici et maintenant, dans votre corps, dans votre être, dans vos organes, dans votre bouche, le goût fort, la langue pâteuse, le temps s'écoulant. Dans les temps à venir, votre corps va progressivement se laver, se nettoyer. Tout le spectre des troubles anxieux, du stress jusqu'à la phobie, sont effectivement, entre guillemets, de bonnes indications de l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'elles installent une forme de vigilance sur des éléments qui sont des éléments négatifs. Un ressenti corporel difficile, une boule en la gorge, la cage thoracique qui va tout d'un coup se devenir oppressante, se serrer, l'élément dont j'ai peur qui pourrait être dans une pièce, ou bien simplement le fait que si je monte trop haut, je risque d'avoir peur du vide, etc. Donc, il y a des centrations, il y a ce qu'on appelle une transnégative, subjectif, c'est-à-dire il y a une centration en fait sur des éléments qui sont des éléments qui provoquent un inconfort chez l'individu. Et donc l'hypnose, dont l'un des ingrédients est justement la déviation de l'attention, permet de pouvoir jouer sur les effets de conscience, sur les effets d'attention, qui permettent une déviation de l'attention et de dire à l'individu, non pas tu n'as plus peur du vide lorsque tu montes X étages, mais de lui dire tu as la possibilité effectivement de ressentir un inconfort, mais regarde, tu ne te limites pas qu'à ton inconfort. C'est-à-dire que tu es aussi en capacité de ressentir le poids de ton corps sur le pied au moment où tu marches, tu es en capacité également de pouvoir ressentir que tu respires normalement au niveau du nez, etc., etc. Donc on refait ressentir son corps, l'entièreté du corps au patient, en même temps qu'il a tout à fait la capacité de pouvoir exprimer sa phobie. Et à partir du moment où la phobie est reprise dans tout un ensemble, tout un maillage de perceptions beaucoup plus complexes, elle se dilue, elle a une moindre importance. Alors, ceci dit, ce mécanisme que je viens de décrire, qui est le grand mécanisme de l'hypnose, c'est-à-dire, c'est vraiment cette dilution dans l'ensemble des perceptions, d'une perception qui était difficile pour l'individu, ce grand mécanisme que permet l'hypnose ne guérit pas en tant que tel. Il permet à un individu de faire l'expérience qu'autre chose est possible. Le passage de l'expérience ponctuelle au changement de comportement est autrement plus complexe et demande évidemment pour le coup une expertise, et une expertise effectivement par quelqu'un qui a l'habitude du chant thérapeutique, qui va apprendre le chant thérapeutique, parce que autant en aigu, on peut faire des choses très simples, autant la dimension du chronique, le changement de comportement, un changement dans la façon de percevoir son environnement, sa réalité, demande évidemment un accompagnement. Donc, ce phénomène que propose l'hypnose, qui est déjà de faire varier son expérience de vie, la question de savoir si ça va prendre racine chez l'individu est encore une autre question. Et c'est là, en fait, où commence l'accompagnement. Qu'est-ce que l'individu va faire de cette nouvelle expérience? À peu près tous les patients peuvent faire l'expérience d'autre chose en consultation très rapidement. La question est, qu'est-ce que je fais de ma phobie lorsque je sors du cabinet du thérapeute? Est-ce que finalement, le fait comme ça d'éviter des situations n'était pas quelque chose qui de temps en temps était confortable pour moi? Et donc il faut que j'arrive à créer un autre comportement en remplacement de celui qui me faisait éviter des lieux ou éviter des situations pour pouvoir simplement m'imaginer et me créer autrement, faire varier la personne que je suis, actualiser la personne que je suis. Dans les troubles obsessionnels compulsifs que vous avez cités, qui sont effectivement en lien avec l'anxiété, hein, puisque les rituels de vérification, tous ces rituels qui peuvent exister dans la vie de l'individu, servent évidemment à encadrer une angoisse. L'angoisse est naissante, et par un geste que je vais faire ou par une vérification que je vais faire, je reprends le contrôle de la réalité. Et donc, effectivement, il s'agit de remettre de la souplesse. D'une part, il faut bien percevoir que les tocs sont très communs chez les gens. C'est absolument pas inhabituel d'avoir des patients qui viennent voir pour autre chose et qui, à un moment donné, au bout de 3, 4, 5 séances, disent « À propos, je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir vérifié 3 fois que ma porte est ouverte » ou le gars. C'est extrêmement habituel. Et donc, il faut regarder si le toc est envahissant ou pas. S'il n'est pas envahissant, généralement, on n'y touche pas. S'il est envahissant, qu'il commence à prendre plus de place dans la vie de l'individu, on retombe sur le schéma que je viens de vous décrire, c'est-à-dire, dans notre façon de voir les choses, on considère que l'individu est focalisé sur une angoisse, c'est-à-dire la peur que quelque chose se passe sans qu'il y ait d'éléments objectifs de croire que cela va se passer. Il est focalisé sur ce peut-être qui, en fait, n'est pas encore sa réalité. Cette focalisation est négative puisqu'elle crée un inconfort. On va lui faire vivre une expérience qui est une expérience pas de côté, une expérience annexe. Lorsque cette expérience a été acquise, est-ce que l'individu va effectivement le matin y trouver plus de confort plutôt que d'aller vérifier 3-4 fois que sa porte est fermée? Et donc, c'est ça dont on va discuter avec les patients. Il y a un moment, en fait, qui est vraiment, pour ma part, que je trouve tout à fait fondateur de ce moment où les changements de comportement arrivent, c'est quand les patients arrivent à en rigoler de ce qui se passe. Je me souviens d'une patiente la semaine dernière qui justement a des troubles obsessionnels compulsifs et qui était justement, c'est pour ça que j'y pensais, qui était justement avec la porte le matin, qu'elle ne peut pas partir sans vérifier plusieurs fois que sa porte est fermée, elle redescend, elle remonte, etc. Et puis, on a travaillé ça, et la semaine dernière, elle me disait que son voisin était sorti sur son palier pour lui dire « Non mais allez-y, vous pouvez y aller, votre porte est vraiment bien fermée. » Et là, en fait, on est parti dans un éclat de rire, d'abord elle avec le voisin, moi avec elle en consultation, elle également en consultation. Et quand vous êtes comme ça dans le moment où le patient arrive à prendre de la distance par rapport à lui-même, je ne sais pas si son comportement va complètement changer, mais vous savez déjà qu'elle a changé son expérience de la réalité. Elle n'est déjà plus dans une focalisation anxieuse sur ce qui pourrait se passer. Elle le prend déjà avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de jeu. Ça, c'est vraiment l'indice qu'une expérience a été enracinée dans le corps du patient et réellement fait imprégnation sur sa vie. Donc Antoine Pellissolo, vous êtes psychiatre et vous traitez particulièrement les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, qui peuvent prendre des formes extrêmement variées. Oui, alors on appelle ça les TOC, même si moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est une maladie qui s'appelle le trouble obsessionnel compulsif, qui peut prendre des formes variées, même si on peut quand même définir le point commun à tous les symptômes qu'on rencontre, c'est le besoin de contrôler les choses, un besoin d'hyper-contrôle. Alors sur plein de domaines différents, pour nous il y a trois types de symptômes. Il y a les pensées obsédantes qui sont celles autour du doute et des risques d'erreur, de mal faire les choses. Il y a les phobies d'impulsion qui sont la peur d'avoir un acte incontrôlé. Et puis le dernier, c'est l'obsession phobique. En fait, c'est quand la peur se matérialise sur souvent des objets, mais c'est souvent autour de la saleté, de la souillure, la contamination, où les gens ont peur de mal faire les choses au sens de se contaminer. Oh, j'ai un TOC de lavage, je me lave les mains, je pense, plus que la moyenne. Un TOC de symétrie, un peu, mais ça ne me gêne pas. C'est une sorte d'obsession de l'ordre. Mais enfin, pour moi, ça ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est le TOC mental. Alors, ce TOC mental consiste en une sorte de prière. Alors, si on veut, on peut dire que c'est une phrase magique, mais c'est quand même une prière. Au départ, c'est une prière qui est arrivée un beau jour à l'âge de 18 ans. Enfin, je pense que c'est arrivé tout d'un coup dans ma tête et qui m'a obligée d'ailleurs à arrêter mes études à ce moment-là. Et je disais cette phrase, cette prière, et puis je pouvais recommencer d'agir. Alors maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est devenu beaucoup plus envahissant parce que je me dis cette phrase, cette prière, mais qui s'est beaucoup plus allongée. Et en plus, j'ai peur de me tromper en la disant, donc je recommence. Et tout ça se passe dans ma tête, évidemment. Et ça arrive, alors depuis une dizaine d'années, ça arrive pratiquement pour toutes les actions de la vie, du moins si je suis seule. Par exemple, pour m'habiller, quand je vais mettre un vêtement ou boutonner, il faut que je me dise cette phrase, cette sorte de prière. Si je me suis trompée, il faut que je recommence. Donc, il faut que je redéboutonne ou que je remette mon vêtement, que je redise la phrase. Et si j'estime que je ne l'ai pas bien dite ou si j'ai une mauvaise pensée, une mauvaise idée dans ma tête, il faut que je recommence. Donc, ça peut durer très, très longtemps. Moi, j'ai... La maladie des TOC, que l'on appelle, selon le professeur Antoine Pellissolo, la maladie de l'hypercontrôle, elle a commencé quelques mois après la naissance de ma fille. Je n'avais pas peur des microbes jusque-là, et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir de plus en plus peur des microbes pour elle. Donc, ça engendrait des compulsions, de lavage de mains. Tout devait être propre dans la maison et ça devenait très fatigant. J'avais aussi, alors je ne sais pas pourquoi, la hantise des morceaux de verre qui pouvait rentrer dans la nourriture. Je crois que c'est tout ce qui pouvait rentrer dans la bouche et qui était dangereux. Bon, pour les microbes, je refaisais beaucoup de fois les biberons, les stérilisations. Je vérifiais toujours, j'avais toujours peur qu'il y ait des morceaux de verre. Et quand il y avait quelque chose qui était cassé, qu'on cassait un verre à la maison, c'était 8 jours d'angoisse. J'avais l'impression qu'il n'en restait encore, j'avais pas tout enlevé. C'était vraiment une couche d'angoisse très forte. Et puis, au fil du temps, ces tocs se sont propagés sur d'autres sujets. C'est-à-dire que j'avais peur de faire du mal aux autres, de créer des catastrophes, sans le vouloir, mais disons par inattention et par erreur. Donc ça a engendré des compulsions de vérification nombreuses. Je vérifiais le gaz pour qu'il n'y ait pas d'explosion. Dehors dans la rue, je faisais toujours attention de ne pas causer d'accident. En vacances, par exemple, en montagne, nous faisions des randonnées et j'avais tout le temps l'angoisse d'envoyer un caillou vers la pente qui puisse engendrer un accident. Donc, j'étais toujours dans le contrôle de l'environnement en vue de la sécurité de tout le monde. C'était des journées interminables, quoi. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être exagéré, puisque en même temps vous faisiez ça en pensant vraiment que c'était utile? Alors justement, ce qui est tout à fait caractéristique des TOC, c'est que j'avais tout à fait conscience que ce que mes peurs et mes compulsions étaient déraisonnables, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas les maîtriser, et donc c'était vraiment une grande souffrance. Alors, il y avait aussi la peur de causer un accident. Et donc, petit à petit, je n'arrivais plus à conduire parce que j'avais toujours peur, c'est aussi une idée déraisonnable, j'avais toujours peur d'écraser quelqu'un et de ne pas m'en apercevoir. Donc, je retournais avec ma voiture sur le chemin pour vérifier. Et ça devenait très, très angoissant. En fait, j'ai très peur du mal, j'ai très peur de l'enfer. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me récite cette prière, ou au moins que j'ai des idées positives, des images positives dans ma tête. Et donc, en marchant, je peux marcher, mettons, 200 ou 300 mètres à peu près bien. Puis après, tout d'un coup, cette idée m'arrive. Or, j'essaie de lutter, je peux faire quelques mètres sans rien, mais après, je ne peux plus, donc je m'arrête ou quelquefois je récite dans ma tête cette phrase ou mes idées positives, mais ça me ralentit et ça me torture un peu. Et quelquefois je m'arrête carrément pour la réciter, pour réciter ma phrase posément. Alors après je repars. Mais bon, quelquefois je peux marcher pendant un petit moment normalement et quelquefois je suis vraiment envahie, donc je ne peux plus marcher, sauf si j'ai un but, sauf si j'ai vraiment, si j'ai un rendez-vous, comme ce matin par exemple, il fallait quand même que je sois à 11h à la maison de la radio, donc bon. Là, j'ai pu quand même, j'étais moins envahie. Si je vais chercher mes petits-enfants à l'école, je sais qu'il faut que j'y sois à une certaine heure. Donc, je pars toujours à l'avance, parce que je sais que ça va durer plus longtemps que prévu. Mais quand même, je suis moins envahie et je résiste plus. Là, j'arrive quand même, en général, à marcher. Voilà. Quand vous dites, vous récitez votre prière, c'est à voix haute ou c'est seulement dans votre tête? Ah non, c'est dans ma tête. Non, je ne parle pas fort. Non, non. Sauf chez moi, quelquefois, si je suis seule. Si je suis seule, je peux le dire fort, un peu fort. Mais en général, c'est quand même vraiment dans ma tête. C'est plus fort que moi. Par exemple, ce qui est important, je vous ai dit que j'étais obligée de me dire, bon, cette sorte de prière ou d'avoir au moins des idées positives. Mais En fait, c'est absurde parce que ça m'empêche de prier aussi. Cette sorte de prière, je me rends compte que c'est un toc, c'est quelque chose de pas normal, parce que si je veux prier, parce que je suis plutôt quand même croyante, pratiquante, mais ça m'empêche parce que si je veux parler à Dieu, si je veux réciter une prière, je suis envahie par cette idée de me dire cette phrase, qui est elle-même une prière, mais c'est un peu absurde. Mais je sais que c'est absurde, mais je suis obligée, on se sent obligée de le dire. Si je ne le dis pas, on irait en enfer. Mais bon, oui, si on veut. Mais bon, j'appelle ça plutôt un toc mental. C'est une variante religieuse, on peut dire. Voilà, c'est une variante religieuse, oui, oui. Je trouve que c'est vraiment trop grave. Hein. Je ne peux pas vérifier parce que pour moi, enfin, Dieu ou le diable, ce ne sont pas des personnes que l'on peut voir. Et ce qui peut se passer, c'est après la mort. Enfin, on peut être déjà envahi par le mal dans la vie. Quelquefois, on a peur que quelqu'un soit malade. Effectivement, ça peut être très grave. Mais après, on peut se rendre compte que la personne n'a pas été malade. Mais là, je me dis que d'aller en enfer, on ne peut pas le vérifier. C'est après la mort. Personne ne peut le vérifier. Je trouve que ça, c'est vraiment trop grave. Et personne, un psychiatre, un psychologue, n'est pas plus puissant que Dieu, je trouve. N'est pas plus. Donc, je ne leur fais pas vraiment confiance. Oui, le problème, c'est que vous êtes vraiment croyante. Alors, c'est ça. Oui. Ça se cumule, quoi. Les deux s'entremêlent. Oui, oui. Mais bon, enfin, il y a un côté absurde, parce que quand même, j'ai vu des prêtres, hein, des personnes croyantes. Et... Or, certains pensent que c'est vraiment une maladie, ça se passe dans ma tête, que ça n'a vraiment, si j'ai bien compris, aucune importance. Mais d'autres qui me font beaucoup plus peur, qui ont quand même un doute, et qui disent que, bon, est-ce que c'est peut-être le diable qui me donne ces idées? Donc, rien ne me prouve, donc ça entretient ma peur, hein, voilà. Je commence à me demander si j'ai bien fermé le gaz chez moi. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a quand même des pistes thérapeutiques. On a des médicaments qui agissent sur ces structures de contrôle à la fois des émotions mais du comportement, donc qui permettent probablement de mettre un peu à distance cette pression des idées intrusives. Donc quand ça marche bien, les traitements en fait donnent un peu plus de distance et permettent de reprendre ensuite le dessus par soi-même, parce qu'évidemment, le médicament ne règle pas tout. Il y a une démarche personnelle à faire qui est ensuite de l'ordre de la psychothérapie. En gros, dans l'autre traitement, en plus des médicaments, c'est vraiment la psychothérapie. Le plus souvent, c'est plutôt d'ordre thérapie comportementale, ce que l'on fait dans ces cas-là, pour justement mettre à distance les idées obsédantes, ne pas renforcer le système par les vérifications. Ce qui est évident, c'est que quand on a des idées obsédantes et qu'on essaye de les chasser ou de se rassurer de manière un peu artificielle, par exemple en refaisant quelque chose plusieurs fois, malheureusement, on ne fait que renforcer le système. Donc c'est ça qu'on essaye de modifier dans les thérapies, c'est d'essayer d'adopter des réponses saines par rapport à des petits dysfonctionnements qui sont au départ, qui peuvent être assez simples, mais qu'on aggrave souvent par des mauvais réflexes. Donc, alors, pour les cas les plus lourds, il existe aussi des opérations où on met des implants dans le cerveau directement ? Avec un niveau de symptômes très grave, et puis malheureusement des échecs au traitement. Les traitements dont je vous parle, en fait, sont efficaces, on va dire, en moyenne dans la moitié des cas. Et pour les formes très sévères, très résistantes, très handicapantes, c'est vrai qu'on a pu, grâce à des recherches, constater l'intérêt d'une action directe sur le cerveau, parce que là, effectivement, quand on implante des électrodes dans le cerveau pour faire de la stimulation, c'est parce qu'on sait que certaines régions du cerveau sont impliquées dans le TOC. Et donc, pour différentes raisons scientifiques, on a pu développer ces recherches en implantant donc effectivement des électrodes à l'intérieur du cerveau qui sont reliées à des stimulateurs, qui sont des générateurs d'énergie, comme des piles, hein, comme on fait par exemple pour le cœur avec les pacemakers, qui donnent une stimulation électrique à très très bas niveau, hein, qu'on ne ressent pas évidemment, en permanence, et qui viennent moduler l'activité des neurones impliqués, et de fait, et ça c'est un des résultats je pense assez spectaculaires de la recherche en psychiatrie au cours des 10 dernières années, des résultats très satisfaisants dans un certain nombre de cas, c'est jamais à 100%, bon, donc, mais dans, chez une bonne majorité des personnes. C'était Voyage au centre du cerveau. Aujourd'hui, perdre le contrôle mental. Avec Antoine Pellissolo, psychiatre, Antoine Bioy, psychologue clinicien et formateur à l'Institut français d'hypnose, Lionel Nakache, neurologue, chercheur en sciences cognitives, Marion Leclerc, secrétaire d'hypnosis, et les médecins généralistes Jean-Marc Benayem et Philippe Bordon. Un grand merci aux membres de l'AFTOC, à Philippe Etienne et à Gilles Gallinaro qui ont su garder le contrôle de la prise de son, à Marine Decamp qui a maîtrisé les archivina et à Romain Couturier pour la recherche musicale, à Delphine Baudet qui assure le mixage, réalisation Anna Schmuck qui sait écouter son inconscient, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez vous rassurer, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour être sûr ou nous réécouter avant la séance, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et demain, dernière étape, l'ordinateur et le cerveau.